On va pas se quitter sans rendre un dernier hommage au maître de la variété populaire. J'ai bien surnommé. Hola la musique, el programa que us porta la música en francès amb Rafael Corbi. Avui comencem amb un personatge diferent. Heu d'entendre molt bé el francès per comprendre, per arribar a captar com de simpàtiques, gracioses, sobretot sarcàstiques, són les cançons amb les quals començarem el nostre programa en el dia d'avui. Seran Riu, el personatge que convidem en primer lloc, de la gent pobra, dels catòlics, de les criatures, de l'escola, del que vulgueu, de tot el que en diem en català, Sant Riu del Mort i d'aquí al Vell. Però ho fa bé, ho fa bé. Ho escoltareu. Si no us agrada, doncs sempre podeu dir-nos-ho i ho tindrem en compte. Olivier Houdelong s'anomena, nascut el 1973, però el seu nom artístic és Didier Super. On va pas se quitter sans rendre un dernier hommage au maître de la variété populaire. J'ai bien surnommé Johnny. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues. C'est une chanson pour toutes les personnes qui se la pètent dans la vie. Et il y en a plein. Et c'est une chanson que j'ai appelée Arrête de te la péter. Arrête de te la péter. Arrête de te la péter. Parce que ton mec il roule en BM. Arrête de te la péter. Arrête de te la péter. Mon cousin il connaît un mec, il en a une mieux. Les meufs comme toi, il y en a plein. Si on te casse les dents, t'es moche. Arrête de te la péter, arrête de te la péter. Parce que toi t'as eu ton bac. Arrête de te la péter, arrête de te la péter. Le jour où tu l'as passé, t'avais mis une jupe. Les meufs comme toi, y'en a plein. Si on te viole, tu vas au flic. Arrête de te la péter, arrête de te la péter. Parce que tu roules en 106. Arrête de te la péter, arrête de te la péter. T'as fait voir tes seins à ton père pour qu'il te la paye. Les meufs comme toi, ça joue les princesses. Mais si je te casse les bras, tu sais plus passer les vitesses. Ouh ouh. Arrête de te la péter, arrête de te la péter. Parce que t'as été élu Miss Maître avant 92. Arrête de te la péter, arrête de te la péter. Ma soeur, si j'en aurais une, elle serait plus belle. Les meufs comme toi, c'est bien connu. Il faut vous faire marrer pour vous défoncer le cul de faire l'amour. Cette chanson s'appelle Marre des pauvres, parce que les pauvres y'en a marre. Y'en a marre, marre des pauvres. Les pauvres ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a marre, marre des pauvres. Quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Y'en a marre, marre des pauvres. Et s'il y avait un tout petit peu moins de pauvres, y'aurait pas toute cette misère. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nanana. Y'en a marre des pauvres. Oh oui, marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nanana. Y'en a marre des pauvres. Y'en a marre. Les pauvres quand ils travaillent, ils enrichissent les riches. Du coup faut pas qu'ils s'étonnent s'ils sont toujours aussi pauvres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Ils font chier, ils font chier, ils font chier, ils sont maigres. Marre des pauvres, marre des pauvres. En plus ils se tapent la honte, ils sont mal habillés. Y'en a marre, marre des pauvres. Les pauvres, arrêtez de vous plaindre, vous gâchez le bonheur des riches. Y'en a marre, marre des pauvres. Heureusement les très très riches, tu peux crever, ils s'en foutent, y en a marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Marre des pauvres. J'ai écrit cette chanson parce que un jour j'ai rêvé que j'aboyais. Aboyer ça veut dire parler comme les chiens. Petit caniche, peluche pour vieux, quand t'aboies c'est tellement aigu que tout le monde croit que t'es une femelle. Petit caniche, peluche pour vieux, tellement que t'es con, tu sais même pas que t'es un caniche. Petit caniche, peluche pour vieux, la perruque à ta mémé, c'est tout ce qui reste de ta mère. Petit caniche, peluche pour vieux, si tu veux pas tomber malade, surtout sors pas sans ton petit manteau. Petit caniche, peluche pour vieux, en fait, quand t'es né, ta mémé, elle aurait voulu un chat. Petit caniche, peluche pour vieux, d'ailleurs, elle sait pas que t'es pas un chat, faut pas lui dire, elle peut pas saquer les chiens. Petit caniche, peluche pour vieux, c'est parce que mémé, elle t'aime bien, qu'un jour, elle va t'empailler. Petit caniche, peluche pour vieux, t'as mal à ton zizi, tellement que t'essayes de niquer tous les meubles. Petit caniche, peluche pour vieux, si je te chope, je t'entoure de Shatterton pour pas que t'exploses quand je t'encule. Petit caniche, peluche pour vieux. Alors cette chanson, c'est une chanson pour dire que quand on a des copains ou même des supers amis, nos meilleurs amis qui sont dans la merde, et ben la meilleure façon de les aider, c'est de les laisser le nez dans leur merde. Ok, parce que bah comme ça ils apprennent à pas toujours compter sur les autres pour se démerder. Sauf que moi Didier Super, bah des fois, et bah c'est plus fort que moi. Quand je trouve qu'ils sont cons, et bah je leur dis, et j'espère que ça les aide un peu. T'as commandé un steak frites alors que t'aimes pas les frites et en plus t'es végétarien, et ben t'es con. Merci. Et ben t'es con. La suite. T'es resté honnête avec les gens alors que t'es le seul garagiste à 30 bornes à la ronde, et ben t'es con. C'est ça. Et ben t'es con. Ok, on y va. Tu préfères bosser à la chaîne alors que tu te ferais 10 fois plus si tu vendais du shit, et ben t'es con. Merci. Et ben t'es con. Et plus fort. Et toi Johnny Hallyday, tu t'es jamais demandé pourquoi ton prénom c'est devenu une expression, et ben t'es con. Et Johnny, et ben t'es con. Et t'es plus que con, t'as gros Johnny. Et t'as Johnny, et Johnny. Et t'es con. Con, con, et ben t'es con, con. Con, con, con, t'es trop trop con. Ouais. Tu préfères aller à la messe tous les dimanches matin alors que ta place c'est à l'hospice, et ben t'es con. Ouais, merci pour elle, et ben t'es con. Elle est pour toutes les vieilles. Tu préfères te taper ta femme alors que t'as les moyens de te payer une pute. Merci. Així l'hem escoltat durant unes cançons. Tampoc us volem carregar molt, veritat? Diria Super amb aquestes peces que ens acostaven la seva música des de l'àlbum que va editar a través de B2 Music a França el 2004. Seguim endavant i ho fem amb alguna cançó que amb els darrers temps ens han sol·licitat els nostres oients, com aquesta del 2017 en l'àlbum Mora de Categoric i Rebecca Lane amb el Kelly Store. La foi déplace les montagnes. Tout est possible. Puis un soleil fait le choix de briller. La personne que tu vois dans le miroir, c'est à la fois ton âme, ton aura, ton corps, tes origines, ta famille, tes expériences, tes rencontres. La sagesse et la connaissance se trouvent partout. Ton devoir est de partager ce que tu as compris du monde afin que cela serve au plus grand nombre. Le cœur à l'origine comme une griotte, ma voix agit pour le bien même si les nous écœurent. De vérité folle en récit en tout genre, je comprends qu'en pensant ce qu'on fait, bah y'a tout qui change. J'ai pas dit que c'était simple, on attend autre chose de nous. Mais gros, le temps que tu t'en rendes compte, c'est déjà le point de non-retour. J'ai pas de secret pour ma plume, tout un tas pour les êtres humains. Regarde les vivre dans la méfiance et dire que c'est presque rien. Regarde-nous unifier les éléments depuis nos hémisphères. Relève l'élégance derrière un message clair, il faut que tu partages tes connaissances. Que ceux qui t'entourent fassent le plein d'essence. Coûte que coûte, tu dois prendre la route, ton intuition t'indiquera le sens. Force, seul est celui qui a perdu l'usage de sa langue. La parole est sacrée quand t'ouvres ta bouche et aux fesses incessamment. Quel rôle tu penses endosser dans ce cahier, ta dossier étudie intensément, échange ou péril dans le silence. Oh, dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Oh, dis-moi quelle histoire. Quand la historia de mis cicatrices. Oh, dis-moi quelle histoire est plus authentique, autant dire les choses vraies tant qu'on peut les voir. Raconte mon histoire. La palabra es semilla que nace de las flores de la sabiduría. Porque en ellas se encuentran lo aprendido. Algunas heridas que aún duelen a la luz de la luna. O las líneas de mi mano donde leo mi fortuna. La palabra es semilla que nace de las flores de la sabiduría. De las cosas vividas, de las vías perdidas. De lo que fue y lo que será, del ojalá y el nunca más. Y mientras mis ojos puedan ver hacia adentro y puedan nombrar algunos de mis sentimientos y mi pensamiento pueda volar, buscaré la libertad entre mis versos. Alrededor del fuego trenzaré memorias con las que soy y las que fui, lo que siento ahora. Estaré quitándole minutos a las horas, recuperando el canto que desde mi pecho aflora. Oh, dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Oh, dis-moi quelle histoire. Cuéntame la historia de mis cicatrices. Oh, dis-moi quelle histoire est plus authentique, autant dire les choses vraies tant qu'on peut les voir. La palabra es semilla que nace de las flores de la sabiduría. A chaque étape, faut faire le taf et rester brave, surtout garnir la table. Personne n'y échappe, j'offre avec Rebecca Lane une solution décalée, chantier d'amour où chantent les armes. Abre tu corazón a las palabras verdaderas, a las que hablan al alma y recuerda. La canción de la lluvia sobre la selva, el fluir del río hacia agua. Oh, dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Oh, dis-moi quelle histoire. Cuéntame la historia de mis cicatrices. Oh, dis-moi quelle histoire est plus authentique, autant dire les choses vraies tant qu'on peut les voir. Raconte mon histoire. La palabra es semilla que nace de las flores de la sabiduría. Thank you. Suis-je? Suis-je normal? Suis-je? Suis-je normal? D'avoir peur. D'avoir mal au cœur. Suis-je? Suis-je normal? Suis-je? Suis-je normal? Je ne pense plus qu'à ça. Quand tu me prends, quand tu me prends la main, je ne pense plus à rien. Figure beaucoup mieux qu'une piqûre. L'amour transfigure beaucoup mieux qu'une piqûre. Beaucoup mieux qu'une piqûre. L'amour transfigure beaucoup mieux qu'une piqûre. L'amour transfigure. Je ne pense plus à rien quand tu me prends la main. Je ne pense plus qu'à ça quand tu me prends dans tes bras. Oh, suis-je normal? Oh, normal. Suis-je normal? Suis-je normal? Suis-je normal? Suis-je normal? Esteu escoltant la musique. El programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. Donne-moi la musique. Donne-moi la musique. Que je lâche une bonne vibe. La main dans la main, rien comme un arrivé. Pas si de détails, bosse avec ce qui veut. Fais confiance en l'art, nena pour nous étudier. Mais dirait même plus de nous, nena pour nous éduquer. La septième écoutée, hommes, femmes, tout y veut. Hey boy, you know, très bien c'est coup ça donné. La demande pour espérer, famille, familier. Donne-moi la musique, que je lâche une bonne vibe. Avec une bonne mélodie pour tous les oubliés du système. Parce que c'est la crise, tout le monde chacun pour soi. Oh, dites-moi où l'on va. Il faut qu'on change tout ça. Pour nos enfants de demain, il faut qu'on change tout ça. Tout seul, on n'y arrivera pas. Mais ensemble, on y arrivera. Il fait longtemps que nous l'a osé. Osé poser avec notre langage, notre causé. Monter à finir rodé. La pilote pour nous perdre, elle est comptée. Il faut tout l'esprit d'éclair et bien fondé. L'élève pour nous libérer, reste pas bloqué. Pour avoir le peuple fier, il faut les miens qui hier. L'espoir. Donne-moi la musique, que je lâche une bonne vibe. Avec une bonne mélodie pour tous les oubliés du système. Parce que c'est la crise, tout le monde chacun pour soi. Oh, dites-moi où l'on va. Il faut qu'on change tout ça. Pour nos enfants de demain, il faut qu'on change tout ça. Tout seul, on n'y arrivera pas. Mais ensemble, on y arrivera. C'est ton bon choix, il faut les bons. Tous les jours, il faut qu'on ait nos convictions. Man, fais attention. Gère bien ton mission. Suis bien le cours de la vie. En place dans un système d'irrigation, d'irrigation. Les nabeuses, mais sa mauvaise direction. Ouais, yeah. La main dans la main, rien comme un arrivé. Pas si de détails, bosse avec ce qui veut. Fais confiance en la nena pour nous étudier. Mais dirait même plus une nena pour nous éduquer. La septième écoutez, zom, femme, tout y veut. Hey boy, you know, très bien c'est coup ça donné. La demande pour espérer, family, family, yeah. Donne-moi la musique, donc. Que je lâche une bonne vibe avec une bonne mélodie pour tous les oubliés du système. Parce que c'est la crise, tout le monde chacun pour soi. Oh, dites-moi où l'on va. Il faut qu'on change tout ça. Pour nos enfants de demain, il faut qu'on change tout ça. Tout seul, on n'y arrivera pas. Seguim en recordant aquests temes. Han estat peticions expresses d'alguns dels nostres oients i que ens han arribat a la nostra sintonia al llarg d'aquesta temporada que ja està arribant al seu final en categòric. Després en Nini, Radiolet, en Sui Genormal, o aquest tema de Cap Malvar, Donem-me la música. Precisament de música també ens parla el tema de Neuten Band, que escoltarem a continuació, i després en Marla Boyn ens aportarà una de les seves cançons, que també se'ns ha demanat, i no una, sinó un parell de vegades al llarg d'aquesta temporada. Une musique qui fait naître la vie. Une musique qui fait naître la vie. Come on, come on, let's sing together. Brothers and sisters, unite our song. voisines, elles vivent dans les collines là-haut, rue des Aubépines. Je n'étais pas fier à bras, et chez nous il faisait froid. De temps en temps, alors on marchait dans les champs, au milieu des fleurs du printemps, qui chassent au loin tous les tourments. Je l'aimais tant, je l'aimais tant, je l'aimais tant. Elle rêvait d'Anna Karenine et de Crinoline là-haut, rue des Aubépines. Je n'étais pas sûr de moi, Dieu que j'étais maladroit. Bah, rue des Acacias, les années passaient doucement, on se regardait gentiment. Mais la neige et le mauvais vent chassent au loin les rêves d'enfant. On s'aimait tant. Elle s'est couchée dans le spleen d'un canapé bleu marine, là-haut, rue des Aubépines. Moi j'ai pleuré plus que moi, glacé de peine et de froid, en bas, rue des Acacias. Peut-être 20 ans, je m'en souviens de temps en temps, mais jamais ne revient le temps qui chasse au loin tout, tout le temps. Je l'aimais tant, je l'aimais tant, je l'aimais tant. Esteu escoltant Ulala Music. Un Ulala que parteix ara cap a l'any 1995 per escoltar diverses cançons que ens arribaven des d'aquell any, amb Veronique Sanson, Michel Fauguin, amb Bahia, amb Alain Chamfort, amb Hélène Farmer, amb Arnaud o amb François Feldman, ens acompanyaran durant tots aquests propers minuts. Et son joli sourire. je voudrais aller à Baïa. Je l'ai bien vu dans la lampe d'Aladin. Je retiendrai de place dans l'avion, très loin du son des accordéons. Et je t'aime, caresse-moi. Le matin, on ira voir l'eau de Baïa. Il n'y a pas d'ouragan, c'est un monde païen. Les jours de pluie, qu'est-ce que ça veut dire? Les jours de pluie ne reviendront pas, et je t'aime, caresse-moi. Yeah. Yeah. nocturne. Et puis surtout, si ça vaut le coup, si ça vaut le coup, vivre sa vie. On est allé bras sous bras dessus dans le quartier où il y a des vitrines remplies de présence féminine qu'on se paye quand on est sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonaire avec un vieil air du tonnerre à vous faire chialer dans tes plus. Si bien que tous les gars de la bande se sont perdus, se sont perdus comme au stand et comme partout. S'attire comme un film, comme un film. Le jeu des sentiments où l'on s'aimait autant, on emporte le vent comme un film. Les choses de la vie qui font que l'on se laisse, le seul plaisir qui me reste, cette mélodie. Esteu escoltant Hola La Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. Doncs sí, arribant al final, després d'aquesta cançó de François Fermant i aquest com un film, com una pel·lícula que ens ha passat ja aquests gairebé 60 minuts que dediquem amb el nostre programa, amb l'espai del dia d'avui. I res, doncs serà fins la propera. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. En dues últimes cançons que m'acomiadaré. Dues peces que ens acostarà la música, en aquest cas de Danny Boudreau. Amb dos temes, com el que ens aporta en primer terme, que es diu Chevrolet Belard, i després Cor Variable, un parell de temes doncs, que se'ns acosten a nosaltres. Salutacions, doncs, i fins ben aviat al programa de música en francès de la vostra sintonia. Je suis bien quand je roule dans ma Chevrolet Belard. J'avoue que ça me défoule quand j'ai besoin de changer d'air. Je me sens un peu plus cool, un peu comme un millionnaire. Surtout quand moi je roule dans ma Chevrolet Belard. Surtout quand moi je roule dans ma Chevrolet Belard. Derrière mes ennuis, mes problèmes, fini la misère, c'est moi qui vous le dis. J'ai le cœur à l'envers, on a ce que l'on sème sur la banquette arrière, de la bière, du whisky. Je suis bien quand je roule dans ma Chevrolet Bel Air. J'avoue que ça me défoule quand j'ai besoin de changer d'air. Je me sens un peu plus court. Comme un millionnaire, surtout quand moi je roule dans ma Chevrolet Bel Air. Surtout quand moi je roule dans ma Chevrolet. Je vis ma vie bohème, bien plus heureux qu'hier. Je fuis le paradis. Je suis bien quand je roule dans ma Chevrolet Bel Air. J'avoue que ça me défoule quand j'ai besoin de changer d'air. Je me sens un peu plus cool, un peu comme un millionnaire. Surtout quand moi je roule dans ma Chevrolet Bel Air. J'avoue que ça me défoule quand j'ai besoin de changer d'air. Je me sens un peu plus cool, même comme un hôtesse d'hiver. Surtout quand moi je roule dans ma Chevrolet Bel Air. Surtout quand moi je roule dans ma Chevrolet. Nature des saisons, je suis caméléon. Je vis de mes passions et de mes impulsions. À l'écoute de mes étoiles, je suis du genre animal. Ça jouera. Je vais. hasard. Je vais de rocher en écueil. Je change de meurtre. Regardez dans